Chapitre 1. Usurpation du trône impérial du Japon par Taiko-sama. L'empire du Japon, situé dans la partie la plus orientale de l'Asie, est composé d'un amas d'îles dont la principale, appelée Nifon ou Nippon, autrefois Zippon, a communiqué son nom à tout l'archipel. Marco Polo en avait entendu parler en Chine au XIIIe siècle et Christophe Colomb était à sa recherche lorsqu'il aborda en Amérique. Ce ne fut cependant que vers l'année 1541 que ces terres furent découvertes par des marchands portugais. C'était primitivement une monarchie divisée en plusieurs provinces qui, par suite de l'affaiblissement du pouvoir central, étaient devenues de petits royaumes, relevant d'une sorte d'empereur spirituel et d'un maire du palais, transformé en souverain véritable. Tel était l'état politique du Japon lorsque saint François-Xavier y arriva en 1549. L'homme apostolique se mit aussitôt à l'œuvre avec un zèle et un courage qui serviront à tout jamais d'exemple aux missionnaires. Dieu couronna ses efforts de la conversion de milliers d'infidèles, et chose qui distingua partout les travaux du saint apôtre, le fruit de ses prédications fut aussi durable qu'il avait été merveilleux. Ses successeurs dans l'apostolat furent à leur tour admirables d'ardeur et de constance, et en 1587, ils comptaient 200 000 chrétiens au Japon, parmi lesquels il y avait des bonzes ou d'anciens prêtres des idoles, une foule de princes et 12 à 15 rois. C'était peut-être la plus fervente chrétienté qu'il y eut alors sur la terre. Malheureusement, les progrès du christianisme furent ralentis l'année suivante. Nobunaga, roi provincial de Mino et de Vosari, avait aidé à replacer le Kubo-sama, ou empereur séculier, sur le trône, ce qui lui avait assuré une immense influence. Mais bientôt poussé par une ambition insatiable, il se rendit maître de 35 petits royaumes sur 70 ou 68 dont l'empire était composé. Alors les fumées de l'orgueil l'enivrèrent au point de se faire adorer comme un dieu. Les chrétiens seuls ne se prosternèrent pas devant cette idole vivante. Nobunaga, qui s'y attendait, ne fit pas semblant de s'en apercevoir. S'il pensa s'en venger, il n'en eut pas le temps. Il était en guerre contre Marindono, roi de Nogato, et il avait résolu de faire un dernier effort pour le réduire, soumettre tout le Japon, tourner ensuite ses armes victorieuses contre la Corée et la Chine. Il avait deux généraux de confiance, Faxiba et Akechi, tous deux d'une extraction obscure, mais dont il avait deviné le talent, ou qu'il avait principalement élevé pour humilier les autres. Le premier, employé d'abord chez un officier de la cour de Nobunaga, à couper du bois dans la forêt et à l'apporter sur ses épaules dans la ville, puis attaché à la personne de Nobunaga, qui s'amusait de son adresse et de ses tours, plus tard investi de l'administration de quelques cantons, commandait les armées impériales contre le roi de Nogato. Le second n'avait pas plus de naissance, ni de mérite, mais quelques talents comme ingénieur, des connaissances dans l'art du dessin et une certaine bravoure avaient attiré sur lui les yeux du prince. Son esprit d'intrigue avait fait le reste. Montant vite l'échelle des dignités, il était devenu roi de Tango et de Tamba. En 1582, Faxiba manda à son maître que s'il avait 30 000 hommes de plus, il aurait conquis dans peu de temps les états de son ennemi. Nobunaga eut l'imprudence de les envoyer sous le commandement d'Akechi, sans se réserver aucune troupe pour sa propre défense. Son orgueil ne lui permit pas de croire à la haine dont il était l'objet à Meako, ville capitale du pays, où il tenait deux empereurs dans l'oppression et en quelque manière dans les fers. À peine sorti de la résidence impériale, l'armée commença à manifester ses sentiments. Akechi résolut de profiter de ses dispositions. S'il s'entendit avec un certain nombre d'officiers, fit répandre le bruit d'un contre-ordre de la part de Nobunaga et rentra dans la ville avec ses troupes. Il alla droit au palais et l'entoura. Nobunaga mit la tête à la fenêtre et demanda ce que cela voulait dire. Pour toute réponse, Akechi lui tira une flèche qui le blessa au côté et un soldat déchargea sur lui un mousquet qui lui cassa le bras. Puis d'autres conjurés mirent le feu aux quatre coins du palais et Nobunaga y expira au milieu des flammes avec son fils aîné, son premier adorateur. Ce meurtre arriva le 20 juin 1582. Akechi ne recueillit pas le fruit de sa perfidie. Il fut défait par le prince chrétien Ukondono et tué par les paysans. Le trône revenait au second fils de Nobunaga, mais il était tombé en démence. Le troisième, qui était roi d'Ava, se présenta pour recueillir la succession paternelle. Mais il eut l'imprudence de se brouiller avec le temps avec Faxiba, qui s'empara de lui, déclara empereur l'enfant du fils aîné de Nobunaga et, en qualité de tuteur, se rendit maître du gouvernement de l'Empire. L'ambition ne permit pas à Faxiba de s'arrêter sur la route des honneurs. Il dépouilla le roi d'Ava de ses états et prit le titre de Kambae ou Kambukundono, signifiant l'arche du trésor et donnant à celui qui en était investi tout le pouvoir effectif. Quoiqu'il ne prit qu'en 1592 le titre de Taiko-sama, qui veut dire « très haut et souverain seigneur », et sous lequel il est le plus connu dans l'histoire, il était considéré, déjà 8 ans auparavant, comme empereur dans tout le Japon.